2 à 2. Bonsoir. Bienvenue à cette conférence du vendredi ayant pour titre Karma noir, karma blanc ou karma blanc, karma noir. Juste avant de commencer, je voulais vous introduire au nouveau journal, ceux qui l'ont déjà reçu par la poste, là, sinon les autres, vous allez le recevoir prochainement. Ça s'appelle l'Aristocrate. Et puis vous allez avoir là-dedans toutes les informations relatives aux prochaines conférences, aux activités, les séminaires, etc., plutôt que sous forme d'envoi postal, de petits pamphlets comme c'était avant, mais ça va être sous forme de journal. Et puis, différents articles, là, je vous donne les titres des articles de la première apparition. L'enfant Teflon, une vision qui prend de l'ampleur. La bouche peut-elle servir à autre chose qu'à manger? L'obstination, une lutte à finir. L'émotion et la finance canadienne. De la science-fiction au Québec. Votre voisin Memphis-t-il? Et le temps passe-t-il plus vite sur Mars? C'est le premier, ça s'appelle un journal d'information et de synergisation. Donc, vous allez recevoir ça prochainement. Ça a été posté hier, je crois, pour la première apparition. Là-dedans, on annonce une conférence pour ce soir qui est Karma noir, karma blanc. Là, je ne poserai pas la question la première qui me vient en tête. C'est ce que je m'attendais à ce que tu avais peur que je dise ça. Ouais. J'ai pas peur, non, mais. Tu étais sûr? C'est le karma de qui? Bon, en tout cas. En karma, on a tout le temps entendu parler qu'on en avait d'accumuler dans les vies antérieures, qu'on vivait dans notre vie actuelle. On payait nos dettes pour des choses qui étaient accumulées. Ben, on a plutôt l'impression que c'est négatif. Oui, c'est ça. C'est qu'antiquement, on avait philosophie, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Karma, biblique. Qui sème le vent récolte la tempête, karma biblique. D'une autre théologie, au niveau du bouddhisme surtout, on avait là le terme karma lui-même qui provient surtout des phénomènes indo-européens. Et on parle de loi de rétribution. Une rétribution, normalement, c'est négatif du point de vue social à l'époque. On parlera de loi d'action-réaction alors que d'autres parleront de loi de cause à effet. Et ce n'est pas la même chose. Et progressivement, il y aura des individus qui vont lutter contre le phénomène du karma et d'autres qui vont essayer de l'amener. Par la suite, après le Vatican II, il y a un bonhomme qui décide de demander à ses évêques et à ses prêtres de ne plus enseigner le processus de la réincarnation dans les églises. Alors, on ne démentira pas la réincarnation, mais on ne l'enseignera plus, on ne va parler que de la résurrection. Lorsque les individus se posaient la question si Dieu est juste et bon, pourquoi mon fils ou ma fille ou moi-même suis-je handicapé? Pourquoi telle ou telle personne meurt-elle jeune ou meurt-elle lorsqu'elle est dans la force de l'âge, etc.? Pourquoi y a-t-il ceci, y a-t-il cela? Et nécessairement, si on se pose cette question-là en éliminant l'idée du karma, donc si on se pose la question en prétextant que Dieu est juste, que Dieu aime l'humain, et qu'il nous a mis au monde, et puis que finalement, tout va bien, bien, probablement que Dieu est nazi, puis il fait des expériences très diaboliques sur le règne humain. Alors, les pro-karmiques ont ramené l'idée du karma. Si vous venez au monde handicapé, c'est parce que dans une vie antérieure, vous avez vécu des choses, vous avez commis des choses, et vous payez. Un bonhomme, un jour, un peu plus avancé dans l'évolution et l'ésotérisme, rosicrucien, a dit « Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. » C'est le premier personnage qui a mené la vision d'un karma blanc, un karma positif, un karma utile. « Rends service, on te rendra service. » Ah, ça fait longtemps qu'on connaissait cela du point de vue de l'éducation, c'est-à-dire que si tu es poli avec quelqu'un, il y a des chances qu'il soit poli avec toi. C'était une tentative de manipuler le manipulateur. Mais nécessairement, l'être humain reste confiné à une loi de rétribution qui peut être blanche, qui peut être noire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, selon ce qu'il fait, il a un retour. La problématique du karma, elle engendre une autre problématique, celle du libre-arbitre. S'il y a un karma, avons-nous un libre-arbitre? Autrement dit, pouvons-nous réellement décider d'avoir du karma blanc en accomplissant des choses blanches? Ou pouvons-nous décider d'avoir du karma noir en accomplissant des choses noires? Ou sommes-nous manipulés à avoir du karma de la couleur? Alors, il y a maintenant un dicton populaire qui dit que les bons partent toujours en premier. Alors, tu te dis, si j'amène plein de karma blanc, on dirait qu'à un moment donné, il y a une mécanique qui ne m'aime pas, qui me déteste, qui ne me veut pas sur la planète. La chrétienté est revenue à la charge en parlant des martyrs et en béatifiant les martyrs. Alors, ceux qui faisaient le plus de bien dans l'Église catholique étaient souvent ceux qui mangeaient le plus de chocolat. ceux qui avaient le plus de problèmes. Et ils mouraient crucifiés, incendiés, éventrés, écartelés, enterrés vivants, etc. Mais même dans notre société aujourd'hui, on se rend compte souvent qu'il y a des personnes qui sont des criminels, qui sont des violeurs, qui sont des voleurs, qui sont des batteurs, qui sont etc., et qui peuvent vivre très longtemps. Alors qu'on a d'autres personnes qui sont extrêmement blanches, extrêmement paisibles, non-violentes, philosophes, psychologues, bien, des personnes qui sont belles. Je ne parle pas physiquement, je parle énergétiquement. Et ces personnes-là meurent souvent rapidement. Ils sont souvent pauvres aussi. Si tu parles, par exemple, des bandits qui importent de la drogue... Et des parles-tu pour toi? Non, non, moi, j'en importe pas. Parce que je suis pauvre ou parce que je suis... Ah! Si tu parles des gens qui font le trafic de la drogue, bon, ils sont riches. Ils font pas du bien. Ils sèment du karma noir à travers la planète. La mafia, qui est la contrepartie noire de l'Église catholique, même chose. Mais ils vivent très, très bien, puis très longtemps. Puis ils s'occupent de leurs enfants. Oui. Puis ils s'envoient dans les meilleures écoles. Puis ils ont les meilleurs médecins, les meilleurs avocats. Surtout les meilleurs avocats. Oui. Ça fait que, est-ce que le bien entraîne le mal? Il y a une chose intéressante. On va revenir de toute façon sur le bien du mal, le mal du bien. C'est une des conférences du mois. Mais si on regarde le Ku Klux Klan, eux massacrent les Noirs en premier, puis les autres peuples par la suite. Surtout les Noirs, c'est la race blanche qui doit dominer. Alors, on a des sénateurs qui en font partie. On a déjà eu des présidents des États-Unis qui en font partie. On a eu, bon, c'est toujours la même chose. Si on regarde de certaines loges franc-maçonniques qui sont extrêmement noires, on a des personnes là-dedans, ça se promène en Rolls-Royce. Alors, effectivement, il y a de gros problèmes quand on veut parler du karma pour la simple raison que l'humain doit comprendre que les lois spirituelles ne s'appliquent pas autrement que dans l'imaginaire. Que les lois spirituelles ne s'appliquent pas autrement que dans l'astral, que dans la pensée, et que ces lois-là ne sont pas efficaces et ne s'appliquent pas dans la vie, ni dans le système matériel, c'est-à-dire là où le corps physique tend à s'exprimer ou à exprimer de l'intelligence. Bref, les lois spirituelles relatives au karma, au bien et au mal, ne s'appliquent pas sur la planète Terre. Ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, si je viens au monde handicapé, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose. Ça te regarde même pas. Ça regarde de qui? Pourquoi je viens au monde handicapé? C'est pas du karma? C'est du karma. Je vis du karma. Oui. Je ne paye pas mon karma? Non. Je paye le karma de quelqu'un d'autre? Oui. T'es encore bien plus chien, ça. Mais si tu savais tous ceux qui payent le tien? Enfin, ou qui bénéficient du mien? Ah! Effectivement. Si quelqu'un a dit, karma, pas dire que c'est moi qui l'ai semé. Quelqu'un a dit pas toujours le même. Fait que si t'as bien vécu dans une vie, il faut bien que tu payes après. Alors, il y a donc des mécaniques absolument absurdes qui disent qu'une personne qui... quand j'étais jeune, on entendait ça souvent. Quand vous voyez... Bon. Je suis pas trompé. On a des visions karmiques réincarnative, ou à un moment donné, parce que vous commettez une connerie, dans la vie qui va suivre, vous allez devoir payer. Alors, vous marchez sur le trottoir, un alcoolique au volant monte sur le trottoir avec son automobile, il vient vous frapper, il vous tue. Au niveau du karma, on dirait que c'est un karma noir, et on essaiera d'expliquer l'idée en disant que probablement que dans une autre vie, vous étiez chaud au volant d'une diligence ou d'une calèche, et puis à un moment donné, bien, vos chevaux ont peut-être frappé quelqu'un et l'ont peut-être tué. La problématique, c'est que si vous avez frappé quelqu'un avec vos chevaux, c'est que celui-ci devait aussi payer un karma similaire. Donc, il avait dû, lui aussi, dans une vie antérieure, conduire un char romain ou quelque chose en état d'ébriété pour aller tuer quelqu'un. Mais la personne qui était tuée avait dû, elle aussi, dans une autre vie. À un moment donné, on se ramasse bien avant l'invention de l'alcool. Dans le temps des dinosaures aussi, c'est difficile à conduire. Tu conduisais un ptérodactyle, tu étais en état d'ébriété, puis là, tu as frappé un Cro-Magnon qui conduisait un tyrannosaure. Ben ça se peut. Mais le Cro-Magnon sur le tyrannosaure, fallait lui aussi qu'il aille payer quelque chose. Donc, dans une vie antérieure, à l'époque où il était amibe, fallait qu'en état d'ébriété, il ait frappé un microbe puis qu'il l'ait tué. Mais il fallait qu'il y ait le microbe aussi, dans une vie antérieure. Comme ça remonte à la création, ça, c'est... Ah, ben ça remonte bien avant ça. Les électrons qui se frappaient. C'est ça qui engendre la création. Alors, il y a un problème dans le système karmique des vies antérieures. Et ça, on doit le comprendre parce que sinon, on va entreprendre une démarche philosophique, ésotérique, spirituelle, qui ne nous mènera jamais à régler nos problèmes, qui ne nous mènera jamais à régler quoi que ce soit, pour la simple raison que la majorité des problèmes que l'humain supporte ne sont pas ses problèmes, mais sont des problèmes. Alors, si on veut régler ces problèmes, bien, plus on règle ces problèmes, plus d'autres deviennent heureux. Ceux qui supportent notre karma. Alors, on ne s'en sort pas. Il n'y a à peu près pas de karma des vies antérieures, du point de vue individuel. Bon, on va reparler de la résurrection et de la réincarnation sur une prochaine conférence, on pourrait revenir. Mais au niveau du phénomène karmique, l'être humain, plus souvent qu'autrement dans la mécanique de sa vie, supporte un karma collectif. Et on va voir ce soir comment on peut se désassujettir des karmas. C'est ça qui est important. Avoir un karma blanc, c'est nécessairement se ramasser un enfer autour du paradis. Donc, avoir un karma blanc, c'est nécessairement s'attribuer un karma noir quelque part dans le temps. Avoir un karma noir, c'est nécessairement s'attribuer quelque part dans le temps un karma blanc. Il n'y a pas, dans le contexte spirituel, dans aucune des visions spirituelles engendrées par l'humain, il n'y a pas de paradis sans enfer. Il n'y a pas de Dieu sans diable. Il n'y a pas de spiritualité haute sans spiritualité basse. Il n'y a pas de magie blanche sans magie noire. Donc, dans le karma blanc, dans le karma noir, c'est la même chose. Vous voulez vous libérer du karma noir, libérez-vous du karma blanc. Sauf que l'humain recherche le karma blanc parce que l'humain reste confiné à une vision méritoire de son évolution et on pourra encore revenir à l'idée du martyr. C'est-à-dire qu'on veut mériter. Alors, si vous voulez mériter le bien, faites le bien. La problématique, c'est que vous allez mériter le bien dilué sur la collectivité. L'humain est assujetti dans sa vie à une mécanique collective. C'est pourquoi il n'a pas de libre-arbitre. Et c'est pourquoi il n'a pas de karma réellement propre à lui. Donc, c'est pourquoi une personne s'en va sur la rue et elle a un accident. Et là, elle peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai dû faire dans cette vie ou dans une vie antérieure? Rien. Ça ne vous regarde pas, l'accident. Une personne est caissière dans une banque, un voleur rentre et subitement, bien, il tire une balle en plein visage et il la tue. Le gars était nerveux. Qu'est-ce que la fille a fait dans cette vie ou dans une autre vie pour mériter ça? Rien. Ça ne la regarde pas. Une femme, surtout les femmes, se promène, se fait attaquer, se fait violer. Qu'est-ce qu'elle a dû faire? Rien. Ça ne la regarde pas. Karmiquement. Je ne parle pas physiquement, je parle karmiquement. Alors, l'individu qui maudit Dieu ou qui se pose la question « Pourquoi moi? » Tout ça, ça ne répond à rien. Parce qu'il n'y a pas de « Pourquoi moi? » La réponse est « Parce que ». C'est correct? Pas de coucher. Ça pourrait être aussi « Pourquoi pas? » Ben, c'est ça. Mais il n'y a pas plus de réponses. C'est une mécanique collective. Alors, à un moment donné, on vient chez vous et on vous vole. On dévalise votre maison ou encore on vole votre automobile, etc. Qu'est-ce que vous avez à payer? Absolument rien. Il peut y avoir des assujettissements karmiques immédiats. Vous ne vous étiez pas assuré. On vous a manipulé pour que vous n'achetiez pas l'assurance. Il y a un incendie, vous perdez tout. Correct. Mais l'humain dit, toi, si j'aurais acheté une assurance. Oui. Mais ça, c'est parler en être humain habituel. En animal humain, en spirituel. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas acheté d'assurance. Ça ne vaut pas la peine de dire « si j'avais acheté une assurance ». Tout ce qu'on peut dire, c'est vrai, tu as raison, mais pas après. Alors, premièrement, on ne peut pas retourner en arrière. On digère le temps. Deuxièmement, on a souvent la réponse à ce que l'on devrait faire après. Juste pour nous envoyer aux toilettes, mais jamais pour nous aider. Et autre chose, si l'individu cherche à améliorer sa vie de façon à ce qu'il n'y ait pas d'incendie chez lui, peut-être que le feu va prendre. S'il cherche à améliorer sa famille, à faire une belle famille pour préserver ses enfants, bien, on a un commentateur à la télévision qui a eu des problèmes. Il y a un de ses fils qui est mort de leucémie, puis quelques temps après, l'autre tombe en bas d'un toit, puis c'est un peu plus qu'il se tue lui aussi. Si on tend à améliorer, à aller chercher du karma blanc, quelque part, dans un monde parallèle, qu'on appelle le ciel, le monde de la mort, qui est le monde astral, quelque part dans le monde de l'humain, quelque chose ne veut pas que vous soyez trop blanc. Ça peut nuire. Alors, quelqu'un se lance en démarche pour annoncer la bonne nouvelle. Je ne parle pas des nouvelles théologiques qui assujettissent les humains, mais quelqu'un décide de se lancer dans une croisade pour, par exemple, démystifier le mensonge cosmique ou certaines choses. Et plus souvent qu'autrement, tout lui arrive. On lui coupe l'herbe sous le pied. Sans compter des personnages qui partent totalement blancs et qui vont finir totalement noirs, sans jamais s'être rendu compte de quoi que ce soit. Jim Jones est un de ceux-là. Il a aidé énormément de personnes, il en a sauvé, il a aidé des retraités, il a aidé des personnes malades, il a aidé des noirs, et surtout aux États-Unis à cette époque, il a aidé des drogués, et il a fini dans sa ville, qui s'appelait Johnstown, avec 993 morts. Et il ne s'est pas rendu compte que le Dieu pour qui il travaillait, finalement, est devenu le diable. Le karma, c'est un assujettissement inconditionnel qui oblige les troupeaux humains à vivre une expérience planétaire particulière dans un seul but structuré dans le monde de la mort, des voies collectives qui vont obliger et qui vont forcer, c'est la même chose, qui vont tendre, qui vont sous-tendre, qui vont cristalliser l'obligation de faire en sorte que les mécaniques qui devraient nous aider soient nécessaires pour nous. Si je résume, c'est un peu comme les mouvements politiques. Tout ce que nous faisons, nous sommes manipulés collectivement à vivre des situations planétaires qui nécessitent la présence de divinités. Et ces divinités-là, qui sont finalement ceux que nous avons élus, quelle que soit la religion, quelle que soit l'obédience spirituelle, que ce soit le cosmos, que ce soit un extraterrestre, que ce soit Jésus, que ce soit qui que vous voudrez, toute cette mécanique-là astrale, elle conditionne l'humain à vivre des situations nécessitant leur présence, la présence de ces divinités. Autrement dit, l'être humain qui prie un Dieu pour éliminer les maladies, eh bien, l'humain sera constamment manipulé à être malade de façon à ce que l'humain continue à prier le Dieu qui devrait les guérir. Il va guérir un individu, mais le fils de l'autre tombera malade. Il va guérir un autre individu, mais la femme d'un autre tombera malade. Alors, on aura toujours besoin de ce personnage. L'astral est constitué comme cela, c'est qu'elle oblige la conscience humaine planétaire à vivre des situations qui nécessitent continuellement le retour vers des individus, des personnalités, des divinités, qui finalement, à travers le lot de temps qu'on a passé sur le plan planétaire, n'ont jamais rien réglé, ne régleront jamais rien, mais qui conditionnent l'humain à continuer à vivre des situations qui nécessitent leur présence. Autrement dit, un gouvernement fait la même chose. Un gouvernement tend à maintenir des situations qui nécessitent sa présence, comme ça on continue à le réélire. C'est essentiel. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le phénomène divin, comme dans n'importe quel phénomène égrégorien, donc au niveau des nations, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut s'en détacher de ces phénomènes-là? Oui, mais uniquement en devenant conscient, uniquement en devenant intelligent, donc en passant au-dessus de l'intellectuance, uniquement en devenant de moins en moins mémoriel, de plus en plus intuitif, uniquement en devenant transparent envers soi-même pour apprendre à discerner ce que nous sommes de ce que nous croyons être. Et en agissant de façon instantanée, donc en étant capable de bouger en fonction de la mécanique collective. Lorsqu'on n'est pas transparent ou lorsqu'on n'ose pas transparaître l'intelligence à laquelle on a accès, est-ce qu'on accumule du karma en faisant ça, bon. En refusant l'intelligence? C'est évident. L'être humain cumule, bon, qu'est-ce que c'est cumuler du karma? C'est-à-dire que l'être humain s'associe à une mécanique de troupeau. Regardons ceci. Il y a, et les religions parlent de troupeau, on parle de berger dans la religion catholique, on parle donc d'un troupeau de moutons. On parle des brebis, c'est plus joli. Une brebis, c'est le petit des moutons, ça va devenir une moyenne mouton, on va dire bon. Et qu'est-ce qui est intéressant de constater, c'est que lorsque vous regardez un troupeau, si vous bougez un troupeau à gauche, tous les individus qui sont au centre ou qui sont à l'intérieur de l'arc de cercle par où on va tourner, se font écraser, se font bousculer. Qu'est-ce qu'ils ont payé karmiquement? Ils ont payé une seule chose. Ils ont payé le fait qu'ils ne sont pas des individus à part. Ils payent le fait qu'ils sont une collectivité. Et tous les karmas sont reliés au fait que vous êtes collectif. L'être humain mange du chocolat uniquement parce qu'il est relié à une mécanique collective. Alors, évidemment, il y a plusieurs paliers de mécanique collective. On part d'une mécanique collective où, par exemple, on demande aux autres si je suis bien habillé. On part d'une mécanique collective où on demande aux autres qu'est-ce que tu manges quand on va au restaurant, parce qu'on se fie sur autrui pour savoir ce qu'on va commander. Bon, on part de mécanique collective, ça va très loin. Ça va au niveau de la mode vestimentaire, au niveau de la mode du corps, au niveau de la mode alimentaire, au niveau de ce qu'on aura à la maison, le voisin a une piscine, on a une piscine, bon, etc. Il y a des personnes, par exemple, qui passent une grande partie de leur temps à se faire bronzer. C'est du collectivisme. Oui, mais je me trouve plus belle bronzée. C'est vrai. Quand la mode sera à ce que les dames blanches sont belles, ben là, on se trouvera plus belle blanche. Hein, il y a eu un temps où les femmes qui travaillaient dehors, les serveuses, étaient toujours bronzées. Alors que les riches, eux, se protégeaient continuellement du soleil pour être blanches, pour bien se démarquer. Je suis une blanche. Donc, je suis une riche. Alors, les femmes rêvaient d'être blanches. Par la suite, quand tout le monde était suffisamment blanc, eh bien là, les riches ont commencé à partir du Québec, entre autres, des pays nordiques, pour aller dans le sud, se faire bronzer. Lorsqu'ils revenaient bronzer, c'était la marque, maintenant, je suis riche, je suis bronzé. Toi, tu n'es pas riche, tu es blanc. Tu n'as pas un beau teint. Alors, on reste à bronzer. Ça ne guérit pas des maladies d'être bronzé. Ça donne des cancers de peau, c'est tout. Puis ça ne guérit pas de maladies, ça fait vieillir la peau, etc. Et les dames, les hommes, même chose, se trouvaient beau blanc quand c'était la mode. Se trouvaient beau bronzé quand c'est la mode. À un moment donné, on se trouvera beau en santé, c'est parce que ce sera la mode. Mais on se retrouve à chuter des karmas collectifs parce que ce n'est pas la même, on n'est pas individuel. Lorsque, à un moment donné, un troupeau au complet arrive sur le bord d'un précipice, bien, ceux qui sont en avant décident qu'il faut arrêter. Et en arrière, ils ne savent pas qu'un précipice, ils continuent à pousser, puis en avant, ils se font ramasser, ils tombent dans le trou. Finalement, les plus imbéciles du lot, ceux qui sont en arrière, c'est les seuls qui vont s'en sortir vivants, parce que quand ils vont arriver sur le bord du trou, ils vont dire « Ah, il y a un trou! » Et plus personne ne peut les pousser. Alors que les bons, ceux qui ont eu de la conscience en premier, sont tous dans le fond, là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une mécanique collective. Fait qu'il aurait fallu que les bons se détachent du troupeau. Oui. Qu'ils ne se fient pas à une mécanique collective. Comme ça, quand ils ont vu le trou, ils auraient arrêté, puis il n'y avait personne en arrière pour les pousser. Tout le monde tourne à gauche, tu vas pas à gauche. Souvent, c'est ce qui va arriver. On va à la place des arts. C'est où la place des arts? Je ne sais pas, mais on va suivre la gang et ils ont l'air à y aller. C'est vrai, ça fonctionne souvent parce qu'il y a un attroupement, puis bon, ça va. Mais l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est, sans se compliquer la vie, d'être capable, lorsqu'on arrive quelque part, d'avoir prévu ce qu'il fallait pour être capable pour se retrouver. C'est beaucoup plus simple. Comment on accumule du karma? Comment on élimine le karma? Il y a deux façons. Premièrement, sachez une chose. Vous ne pouvez pas éliminer du karma. Vous pouvez vous débarrasser du karma. Mais on ne peut pas l'éliminer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui dit « Moi, j'ai beaucoup de karma noir, alors je vais faire du bénévolat et je vais éliminer mon karma noir. » Tu le transposes en karma blanc. Autrement dit, pendant un laps de temps, tu vas vivre le karma blanc et tu repayeras ou tu retomberas dans ton karma noir plus tard. Ça, il faut pas. La mécanique va continuer d'exister. Il faut s'en détacher totalement. Mais le karma, lui, dans l'astral, il va rester là. L'énergie noire, l'énergie blanche, elle n'est pas dissoute parce qu'on l'a payé de blanche ou noire. On l'a transféré, on l'a transposé, mais elle reste toujours là. Elle reste là. Puis quand un individu se détache du karma, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'humanité a un peu plus de karma à payer. Ou à supporter en réalité. C'est dissous dans la masse? Oui. Alors une personne va dire, oui, mais c'est pas correct, une personne spirituelle. Mais prends l'exemple de la personne qui va juste à la confesse, c'est ce qu'elle fait. Elle va à la confesse, puis là, elle remet ses fautes sur tous les catholiques. Tous les catholiques vont ramasser un petit pourcentage des fautes de la personne. Alors elle se sent mieux. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que celui qui passe à confesse après, il vient lui en mettre un peu sur le dos. Et puis on recommence comme ça, et puis progressivement, on va confesser régulièrement, ce qui fait qu'on s'en débarrasse de temps en temps pour se le faire redonner après. C'est une transposition karmique. Bon, c'est dans l'égrégore que c'est dissous, puis chaque personne reliée à l'égrégore ramasse ce karma-là. L'être humain qui veut se détacher du karma, faut comprendre différentes choses. Premièrement, ce n'est pas une question d'ego. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'émotivité. Vous ne pourrez pas vous détacher du karma comme ça, schnack, en disant, ben là, moi, je vais m'en détacher, ce qui fait que demain matin, on va gagner un million à la loterie. Bon, ça, c'est du karma blanc, pour un bout de temps. Alors, donc, il faut comprendre les choses. La première chose à faire, c'est que pour se détacher, donc pour se retirer de la mécanique archangélique, celle qui dirige les masses, pour se diriger de l'évolution des masses, de l'évolution collective, ce que l'humain doit faire, c'est qu'il doit évoluer, c'est-à-dire qu'il doit devenir intelligent, c'est-à-dire qu'il doit se relier à son esprit, donc il doit se centrer dans son intelligence, et non pas être centré dans l'intelligence de masse, donc dans la pensée collective. Alors, il n'a plus besoin de personne pour savoir s'il est correct ou pas. Une question fondamentale que de temps en temps les séminaristes posent, c'est « Oui, mais moi, à quel niveau d'évolution suis-je rendu? » Mais c'est comme poser la question « Quel âge avez-vous? » Le temps n'existe pas. L'âge est intéressant à partir d'une date. C'est « En quelle année sommes-nous? » À partir du début de la création, à partir d'avant même que le temps existe, à partir du Christ, à partir de quoi? On est en l'an 4 milliards 800 millions 300. Bon, tu sais, bon, la personne, ça ne dit plus rien. Mais quand on donne une date, 1990, qui dit quelque chose, ça ne dit rien non plus. Ça dit quelque chose dans l'illusion. Ça ne dit rien non plus. Suis-je évolué? À qui, à quoi voulez-vous qu'on vous compare? Donc, la question ne sert à rien. L'individu reste donc un être humain collectif. Et c'est ça, là, lentement, progressivement, l'individu finit par ne plus avoir besoin de comparaison avec quoi que ce soit. Donc, il n'a même plus besoin d'idole. Celui qui prend Jésus-Christ comme idole se compare à lui et ça donne un barème d'évolution par rapport à ce qu'il veut aller chercher et il essaie de cheminer dans la vie des autres, celle de Jésus. il paye du karma, puis il souffre, puis il réussira jamais. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais essayé de suivre le chemin de Jésus. Donc, la seule façon d'arriver là, c'est de faire comme lui a fait. Mais vu que lui, il l'a fait, plus personne ne peut le faire. Il s'est pris un chemin, puis il a fait son chemin. Plus personne ne peut le faire. L'évolution vers la libération est une évolution qui est totalement individuelle. C'est évident qu'on peut être assis ensemble, on peut jaser de certaines choses, mais chaque personne va comprendre ce qu'il a à comprendre, mais la personne ne peut pas demander à quelqu'un « Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que ceci, cela, cela? » C'est une question d'énergie, c'est pas une question de compréhension au niveau de la parole. Se désassujettir du karma, c'est premièrement, donc, devenir un être humain et cesser d'être un animal humain qui est coordonné par l'évolution collective, celle des troupeaux. Alors, par exemple, comme je dis souvent dans les mouvements politiques, on publie les sondages. Pourquoi? Parce que le sondage fait en sorte que les gens changent de camp. Si les libéraux sont en avance, ben il y a un paquet de péquistes qui vont devenir libéraux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner. Puis les indécis, ben là, ils se disent tout crime, ils sont en avance. Pour moi, c'est tant de monde qui vote pour eux autres, qui prennent pour eux autres, ils devraient avoir raison. Ça, ce sont les collectifs, c'est ça le troupeau. C'est que s'ils vont tous dans le trou, ils doivent avoir des quoi de bon en bas. Le dernier qui tombe, c'est moins pire. S'il tombe, c'est les autres, c'est moins pire. Bon. Mais l'être humain fonctionne comme cela. Mais est-ce que c'est le paiement du karma qui fait en sorte qu'on arrive à ce niveau de conscience-là, de se détacher de la masse? C'est qu'à un moment donné, à force d'essayer de se... Ou est-ce que le karma blanc peut nous y emmener aussi? Non, c'est qu'essayer de se nourrir d'une énergie qui ne nourrit jamais, qui ne fait que tromper. Alors, par exemple, on prie, on va à une conférence de positivisme, on se fait énergiser, mais jamais on se fait énergifier. L'être humain qui se fait énergiser d'un être humain qui se fait survolter. Lorsqu'il sort, il est plein d'énergie. Mais deux semaines après, c'est parti. Alors, il doit revenir. Alors, il prie Dieu, il se sent bien dans ses mains, mais s'il cesse de prier, il perd tout. Il se fait énergiser. Cette énergie qui lui est amenée ne le nourrit pas. Elle ne lui donne que l'illusion d'être alimenté. Alors que l'humain doit s'en aller vers son énergie, son esprit, son intelligence, et on parle d'intelligence active, et non pas d'intelligence qui est passive, qui est reliée à la mémoire, qui est la pensée. On parle d'une intelligence institutionnelle. L'être humain qui va s'associer à cette source n'aura jamais soif. Il n'aura plus soif, il n'aura plus besoin de, parce qu'il va devenir la source. On parle d'esprit, on parle donc d'une âme pure, on parle d'un esprit non coloré par la mémoire expérientielle de l'humain. Parce qu'il a vécu, parce qu'il pense, parce qu'il a comme émotion, etc., comme désir. Mais pour que cela se fasse, il faut que l'être humain, progressivement, se dissocie de l'opinion collective. Donc, même de l'opinion spirituelle. Alors, à un moment donné, on ne parle pas de ce que nous vivons pour voir si on a raison ou encore pour voir si d'autres personnes parlent, donc pensent peut-être, comme nous. On n'a donc même pas besoin de porter la bonne parole. On n'a même pas besoin de convaincre quiconque. Bon, ma femme est dans l'Église catholique romaine, tant qu'elle ne crée pas de problème, moi je laisse là. Si elle veut que je rentre dans l'Église, là on aura des problèmes. Je vais lui expliquer des choses qui me regardent moi, je vais essayer de lui faire comprendre que de toute façon elle a raison et que j'ai raison, mais souvent dans des fois aveugles, pour avoir raison, il faut que tout le monde ait tort. Il ne peut pas y avoir trois dieux, il ne peut pas y avoir quatre chemins. Bon, tout mène à la mosquée, tout mène à Rome, tout mène... Bon, oui, bien, si ça peut pas fonctionner. Alors que dans le phénomène, dans la réalité, au dehors du mensonge cosmique, de toute façon, la Mecque et Rome, c'est la même chose. Ce sont des mécaniques qui tendent à amener des individus à s'alimenter à une énergie qui jamais ne les comblera pour que progressivement s'instaure chez eux, dans le mental, l'écœurement de l'écœurement, c'est-à-dire la désillusion totale des dieux, pour que l'humain finisse... Après avoir tenté de se centrer sur tout, finissent par se centrer sur lui. Mais encore là, il faut faire attention. Dans la spiritualité karmique, on parle de se centrer sur soi. Alors on dira, on va faire du zen, technique collective de centrage sur l'infini. On fera de la méditation transcendantale, technique collective de centrage sur une vocale. C'est toujours des marches plus hautes, mais ce n'est pas la façon de se libérer du karma. Les méditants transcendantaux ont du karma. Les moines, ceux qui prient, ou les zen, ont du karma. Bon, alors l'être humain, lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit se libérer, se dissocier, donc devenir individuel. Ça, c'est la première chose. On en a parlé régulièrement, on va en parler encore. On va plutôt parler de comment on peut travailler maintenant pour ne plus avoir... Si je nais en bonne santé physiquement, et puis qu'à un moment donné, je sais pas moi, à 5 ans, je commence à être malade, à 10 ans, je suis plus malade, à 15 ans, je suis encore plus malade, puis pourtant, j'ai un corps physique. Tu veux dire que tu deviens adulte? Oui, mais en plus, j'atteins des degrés de maladie divers, comme aller jusqu'au cancer. Pourquoi? Est-ce que c'est un karma que je payerais dans mon adolescence? Est-ce que c'est un karma collectif? Est-ce que je peux me désassocier de ça? Oui, c'est que tous les karmas que l'humain paye sont des karmas collectifs. L'humain est assujetti à du karma uniquement parce qu'il a de la mémoire. Si l'humain n'a pas de mémoire, il n'a pas de karma. Maintenant, l'humain doit ne pas avoir de mémoire et avoir de la conscience. L'humain qui n'a pas de conscience et qui n'a pas de mémoire reste assujetti au karma. C'est un animal humain. L'humain qui a de la conscience et qui n'a pas de mémoire, les personnes disent, ben oui, mais si j'ai pas de mémoire, je me rappellerai même pas où je reste. La conscience instantanée va faire en sorte, justement, c'est que vous allez savoir exactement où vous restez lorsque ça va être nécessaire que vous le sachiez. Inquiétez-vous pas, votre conjoint va vous trouver. Oui, mais en tout cas, même vous, n'allez pas trouver. Et l'avantage, c'est que même ce que l'on ne sait pas, qu'on n'a pas appris ou ce qu'on ne connaît pas, quand ça va être le temps de le savoir, on va le savoir. Et c'est un gros problème en ce qui me concerne, par rapport à ce que je vis avec les individus souvent, parce que lorsqu'on me demande, oui, mais M. Kem, vous avez pris où ça? Tout ce que vous dites, vous l'avez pris où? Que ce soit en médecine, que ce soit en physique, que ce soit en chimie, que ce soit en psychologie, que ce soit, etc. Bon, je le prends là où ça se trouve. Mais normalement, c'est pas acceptable sur la planète Terre que c'est, on le prend là où ça se trouve, oui, mais dans quel livre, dans quelle bibliothèque? Je l'ai écrit. C'est ça. Ça, ils comprennent bien, mais là, mais ils veulent savoir quelque chose. Alors, ça, c'est une grosse problématique. Pourquoi? Parce que si je suis diplômé d'un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, ben lui, il part de où? Ah ben lui, il est mort, fait que donc, automatiquement, il est correct. Ben, Freud, est-ce qu'il était psychologue ou psychanalyste? Non. Bon, c'est lui qui l'a parti, mais il l'était pas. Alors, comment pouvons-nous accepter des personnes diplômées d'un gars qui l'a jamais été? Bon, c'est ça. Mais on les accepte le diplôme. Je vais même vous dire une chose, moi, je diplôme des gens dans certaines matières, et eux sont reconnus. Mais si moi, je me pointe, on veut mon diplôme, j'en ai pas. Mais si quelqu'un d'autre se pointe, je l'ai diplômé, c'est acceptable. Il y a un diplôme. Oui. Et c'est une vraie farce, mais c'est fonctionnel. Alors, on doit embarquer dans le mensonge cosmique et se dire, bon, bah, je vais te faire un diplôme. Mais moi, ça me fait drôle. Ma main veut même pas signer. C'est ridicule. Mais on en fait un quand même. Et puis, la personne, pas de problème. Elle est diplômée. Par Daniel Kem. Ah, oui, c'est diplôme, mais il est correct. C'est con, mais c'est comme ça. Au niveau du karma, c'est au niveau du collectivisme, au niveau des visions collectives, c'est toujours la même chose. L'être humain qui évolue est assujetti à un phénomène collectif. C'est-à-dire que parce que nous sommes capables d'accomplir du bien, automatiquement, nous dégradons des choses dans l'astral. C'est un peu compliqué, je passe un peu sur cette mécanique ici. Nous dégradons des choses dans l'astral qui engendrent nécessairement des énergies plus basses que nous considérons comme étant des énergies mâles. Autrement dit, plus la conscience descend dans le peuple, plus la conscience descend chez vous, plus certains animaux humains, quand je parle d'animal humain, je parle de ceux qui sont encore conditionnés uniquement par leur corps physique. Alors, la majorité de ce qui existe sur le plan planétaire est constitué d'êtres humains, d'intelligence ou d'esprit, et le reste, c'est de l'animal humain qui l'exprime. Alors, on aura une personne, à un moment donné, qui est un homme, qui a besoin d'avoir des relations sexuelles tous les jours. Voilà, mais ça, c'est la partie animal humain qui le domine. Bon, une personne qui est colérique, qui est violente, ce n'est pas de l'intelligence. Même si la personne le sait, quand elle le sait, elle dit oui, c'était stupide. Ça, c'est l'être humain qui parle. Puis quand elle bûche, l'animal humain qui s'exprime. Hein? J'ai toujours dit qu'on cohabitait dans le corps physique avec un virus, l'ego, c'est lui qui est attribuable à l'animal humain. Uniquement de la mémoire, mais pas de spontanéité dans l'intelligence. L'être humain qui vit est associé à un karma collectif. Cela va faire quoi? Cela va faire en sorte que plus vous vous conscientisez, plus vous descendez de l'énergie. C'est abstrait, mais c'est vrai. C'est comme de dire, plus vous aimez, plus vous communiquez de l'amour. Ben, c'est aussi fou que ce que je viens de dire. C'est abstrait. On n'est plus habitué à cela. Mais l'énergie, c'est la même chose. Plus on se conscientise, plus on descend de la conscience. Dans votre emploi, plus vous vous conscientisez, plus les gens autour vont commencer à se conscientiser. Mais s'ils n'ont pas une gestion mentale, s'ils n'ont pas un intellect box pour, s'ils n'ont pas un corps physique, un système endocrinien, s'ils n'ont pas une vie faite pour supporter l'augmentation de la conscience, cela crée des désordres. Ces désordres peuvent créer des paniques, des stress, des angoisses, et tout cela va faire en sorte que l'énergie de la conscience va être remaliabilisée en énergie noire. Vous augmentez le potentiel karmique blanc et en même temps, vous augmentez le potentiel karmique noir. À l'échelle de la planète, parce que l'humain avance vers l'intelligence, parce que l'humain est de plus en plus conséquentiel dans son écologie, parce que l'humain est de plus en plus conséquentiel dans les droits humains, parce que l'humain est de plus en plus conséquentiel, même par exemple dans la reconnaissance du mâle sur la femelle, parce qu'on reconnaît de plus en plus les droits de l'enfance, il y a encore des problèmes, d'accord, mais on en parle. Parce que ça augmente progressivement, ben nécessairement, il y aura de plus en plus de problématiques noires à l'opposé. Et il y a donc un grand philosophe qui a déjà dit que plus le blanc augmente, plus le noir augmente, on s'en sortira jamais. Donc. Est-ce que si un individu est à un niveau conscient, si on parle de ça par degré, là, que c'est plus conscientisable que la moyenne, est-ce que ce serait théoriquement possible que cet individu-là paye plus de karma pour l'empêcher de voir qu'il est conscientisable? C'est-à-dire qu'il y a des boutons qui lui posent dans le visage, qu'il soit gros, qu'il soit alcoolique, qu'il soit cancéreux, qu'il y ait tellement de problèmes à être occupé à régler ce karma-là qu'il n'ait jamais le temps de se rendre compte de la valeur de ce qu'il est, lui, en tant qu'individu. Premièrement, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a des boutons qui lui posent dans le visage, prends cet exemple-là, qu'il y ait un cancer, etc., mais tous les exemples que tu as donnés sont des exemples où ça va le déranger parce que son image de marque devant les autres va être altérée. Alors qu'en réalité, s'il est individuel, il n'y en a rien à faire. Donc, premièrement, il ne supportera même pas de karma. Il vient au monde avec un bras en moins. Si lui, il se balance royalement de savoir que les autres ont deux bras, il ne porte pas de karma. Tu considères que les autres sont handicapés avec deux bras? Non. Là, il va porter le karma. Ah oui? Ben, il va être le seul bien dans un monde handicapé. C'est vraiment pas génial. Par contre, s'il est suffisamment évolué, donc, centré dans son intelligence, il n'y en a rien à foutre. Et nécessairement, plus un être humain devient conscientisé, plus son entourage paye du karma, souffre. Et ça, c'est une mécanique aussi qui doit obligatoirement être comprise, parce qu'à un moment donné, si on vous donne des boutons, puis vous en foutez. Si on vous fait perdre de l'argent, vous continuez à réfléchir, puis avancer, puis vous conscientiser. Si on vous martyrise, ça ne change rien à votre conscience, vous trouvez toujours aussi écœurant l'endroit d'où vous partez. Donc, vous ne retournerez pas pour qu'on arrête. Rien à faire. Si votre évolution devient du 24 sur 24, donc vous êtes devenu un initiable, ça va continuer. Alors, ce qui va arriver, c'est que là, on va commencer à droguer tes enfants ou à taper ta femme ou ton mari, ou etc. On va commencer à travailler autour de toi, astralement. C'est-à-dire que ton paradis va engendrer un enfer autour. Mais là, même si tu décides d'arrêter, de créer un paradis pour arrêter de générer cet enfer-là, ça ne marche pas plus. Non, t'es pas... même pas capable d'arrêter. Pas si tu es rendu initiable. C'est-à-dire que quand tu es rendu à un point tel de l'évolution que la conscience supramentale, bref, ton esprit, est continuellement en train de te travailler pour descendre chez toi, il n'y a plus rien à faire, tu es fait à l'os. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu peux accélérer le processus pour qu'eux autres se créent un paradis? Non. On ne doit même pas s'occuper de lui. En tout cas, qui se débâcle là. La première chose, c'est que si, pas en le disant, si effectivement, qui meurt tout, ça ne te dérange pas, ils vont déjà commencer à vivre mieux. Parce que l'astral ne peut plus les attaquer, ça ne sert à rien. L'astral va donc économiser son énergie pour trouver d'autres choses. Ce qui va arriver, c'est qu'au niveau de notre évolution, de la gestion que nous avons, au niveau du karma, chaque fois que l'on prend un petit fil, puis qu'on va le coude, l'attacher dans un karma collectif, on grossit le gros câble qui nous attache. Un petit fil, ça se casse bien, mais 3 millions de petits fils bien torsadés ensemble, on peut tirer un bateau que ça. Alors, il va arriver quoi? On te donne un héritage. L'acceptes-tu ou non? Aujourd'hui, là? Non. J'ai de la misère, mais ce serait non. C'est ça, faire de la difficulté. C'est assez de misère, ça va prendre un héritage en plus. Non, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'on s'associe au karma de la vie de celui qui est passé, puis on s'associe au karma de toute la famille. Bon. La 649, c'est différent? C'est la même chose. Ah ouais? Je vais encore gaspiller 2$ pour rien. Ah, tu me donneras tes billets. Mais la 649, c'est parce que là, c'est sur un million ou des millions d'individus. Oui, ça, tu auras un petit, tout petit karma associé avec ça. Bon, mais là, si tu gagnes un gros million, c'est pas trop pire. Oui, mais on parle d'un héritage. Tu peux avoir un héritage de 10 000 piastres, puis ramasser le karma de... pour en ramasser, tu sais, on se met en chiffre, là, tu peux avoir 10 000 piastres, puis ramasser un karma d'un million. Mais oui. Mais si tu gagnes la loterie... Si on veut faire de la tu peux avoir un million, mais ramasser un karma de 10 000 $. Bon, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Tu peux aussi avoir un million, puis ramasser un karma des millions. Ça, rares sont les heureux qui ont gagné, mais il y en a. Mais qui sont... Parce si que t'en as pas besoin, puis que tu gagnes. Le gros problème, si t'en as pas besoin, tu gagneras pas. Si t'en as pas besoin, tu gagnes, c'est un coup de cochon. Des fois, il y en a qui gagnent 2-3 fois. C'est rare. C'est un coup de cochon. Ah oui? À Chicoutimi, j'ai connu un gars à côté qui avait gagné 1 million $ à la loterie, puis 6 mois après, il a gagné un autre 1 million $ à la loterie, puis dernièrement, quand je passais, apparemment, qu'il avait gagné un autre plusieurs millions ce coup-là. Et au niveau des statistiques, ça ne se peut pas. Non. Déjà que tu n'as pas de chance de gagner, mais de gagner deux fois, voilà. Mais là, karmiquement, comment il va, lui? Ah, mais c'est le bonheur. C'est le bonheur, il vit bien, aucun problème. Parfait. C'est parfait. il n'est pas évolué, il est dans le troupeau, sa vie ne sert à rien. Probablement que sur son lit de mort, il pourra même pas penser que sa vie lui aura servi à quelque chose. Non, mais il ne pourra pas réaliser qu'il y a eu de problème non plus. Il n'en a pas eu. Non. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que quand il va revenir, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il comprendra pas non plus pourquoi il va être si péniblement dans la Terre. Il comprendra pas l'idée. Et ben, il va payer du karma quand il va revenir? Pour, oui. Ben, tantôt, tu as dit qu'il n'y en avait pas de non, karma quand je dis que là, il a un karma blanc. Non, lui, il n'est pas conscientisé, donc il ramasse énormément de karma. C'est un karma blanc qu'il a, il va se ramasser avec un karma noir. Celui qui est extrêmement conscientisé, s'il gagne à la loterie, il va ramasser du karma, mais c'est moins pire. Celui qui n'est pas conscientisé, il s'amuse. Il me demande est-ce qu'il y a du karma. Bon, du karma noir, non. La vie est belle, il vit bien. Il n'y a aucun problème. Peut-être que dans 10 ans, par exemple, il va avoir le sida. On ne le sait pas. Peut-être que dans une autre vie. On ne le sait pas non plus. Le problème de l'humain, souvent, c'est ça qu'il essaie de faire. C'est qu'il se dit, pendant que je suis ici, ça peut être beau. C'est un maudit problème. On doit toujours prévoir sa vie sur 500 ans, pas sur 90 ans. Alors, pendant que je suis ici, là, si je vis bien, ça, on n'en a rien à voir. Pendant que tu es ici, vis-tu? Ou si tu passes dans la vie, vis-tu ou non? Est-ce qu'il se passe? Est-ce que tu vis? Est-ce que ça sert à quelque chose, à la nature? Êtes-vous une fourmi? Êtes-vous une termite, un aigle, un écureuil? Êtes-vous un corps physique quelque part qui servait à prédater les choses, à polluer et à maintenir une forme d'équilibre dans un écosystème planétaire? Êtes-vous uniquement un pissenlit qui passait? Bon. Ben là, ça serait l'évolution méritoire s'il fallait qu'on soit quelque chose, justement. Non. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est que ce bonhomme-là, lui, c'est un pissenlit, effectivement. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il garde l'argent d'un autre. Pendant que l'autre est noir, lui, est blanc. Puis, à un moment donné, ben lui, sera blanc, l'autre sera noir. Quelqu'un dira plus tard, ben là, t'es noir parce qu'avec les millions que t'as fait, tu les as jamais partagés. Écoute bien, il faut d'une poche. Si je les aurais partagés, je les aurais pas eus. Fait, j'aurais eu mon noir tout de suite. Tu sais, on n'en sort pas. Alors, l'humain qui considère puis qui essaie de conclure un pacte avec la vie, de faire pour faire en sorte qu'il parvienne à être heureux, plutôt que de parvenir à être conscient, dans la conscience, on parvient à être au-delà du bonheur. On arrive au bonheur, après ça, on se détache du bonheur. Donc, on se détache du malheur, et on arrive. Sauf que l'humain, comme ce bonhomme-là, lui, c'est un coup de cochon. Peut-être qu'il était en train d'évoluer, peut-être qu'à un moment donné, il était rentré dans les chevaliers de Colomb. C'est déjà intéressant, il commence à faire des petites choses. Après ça, il a commencé à faire de la méditation transcendantale, puis paf, on lui a foutu un million dans la gueule. Il est allé jouer au golf, il a fait des affaires, il a arrêté d'évoluer. S'il avait été, au moment où il a gagné son deuxième million, s'il avait refusé... Ça aurait été génial. Ouais. Il aurait banni tout le karma du premier million. Il se serait totalement dissocié. Il n'y a pas un humain collectif qui va faire ça. Il serait donc totalement dissocié. Puis là, ce gars-là, aujourd'hui, serait peut-être multimilliardaire. Parce qu'il aurait l'intelligence pour s'en servir. Donc, vous sortez de chez vous. Et puis, votre voisin a un pneu. Pas le voisin, l'automobile du voisin a un pneu. À moitié dégonflé. Oh, mon voisin aussi, il a un pneu. Il est dégonflé, c'est pas pire. Juste en haut de la ceinture. Alors, son automobile a un pneu à moitié dégonflé. Est-ce que vous lui dites ou non? C'est tentant. C'est tentant de lui dire, mais intelligemment, j'ai l'impression qu'il ne faut pas le dire. J'ai l'impression. Ah oui, parce que je ne poserais pas la question sans ça, c'est ça? Oui. C'était l'intellectuel. J'analyse, hein? C'est ça, c'est pas l'intelligence, c'est pas intelligemment, intellectuellement. Mais effectivement, on ne lui dit pas. Parce qu'on s'associe encore à son maudit karma. Imaginez que son plan de vie, tel qu'il est présentement, va faire en sorte qu'il devra avoir une crevaison quelque part pour pouvoir marcher un mille et demi parce que sa route bâtie. Imaginez! Vous allez vous en mêler. Alors, il va le gonfler. Mais là, vous allez prendre la moitié de ce qu'il aurait eu à supporter sur votre dos. Ça va peut-être faire une crevaison en allant. Non! Peut-être qu'il y aura seulement une carie. Alors, on va dire, oui, mais là, on est rendu qu'on n'aide plus personne. Un instant, s'il vient vous voir et vous demande, penses-tu que mon automobile a un problème? Soyez transparent, vous lui dites oui, t'as un pneu, moi tu t'es gonflé. Il y a une autre façon. Il y a une façon de ne pas s'associer au karma collectif d'autrui et je vous fais remarquer que la majorité de tous vos problèmes ne proviennent uniquement que du fait que vous vous associez à la vie de tout le monde. D'accord? Tout le monde. Et vous devrez analyser, je ne veux pas tout donner, parce que vous devez appliquer en fonction de votre capacité de comprendre ce que je dis, et non pas dans le sens d'y aller en intellectualisant. Mais, par exemple, vous avez quelqu'un, votre voisin, puis vous lui dites, au lieu de lui faire remarquer que son pneu est, Il y a une façon très intelligente, très écologique, de ne pas vous mêler de son plan de vie, tout en vérifiant si ça ne faisait peut-être pas partie de son plan de vie que vous lui disiez. Comme tout à l'heure, tu disais, si vous n'êtes pas tout à fait dans votre, centré dans votre intelligence, moi j'appelle ça d'être dans son trou, alors tous tes problèmes nous passent au-dessus de la tête, si on n'est pas dans son trou, on a un karma à payer. On ne laisse pas suffisamment passer l'intelligence. Vous, si l'intuition vous fait braquer vos yeux vers son pneu, peut-être faudra l'exprimer. Mais si lui n'a pas à le savoir, c'est pas à lui, il faut le dire. Ah, t'es pas pour appeler les gars qui s'occupent du CA pour leur dire qu'il y a tes clients. T'appelles l'autre voisin, tu dis ah, regarde bien ça, il y a un pneu de mou. Fallait que je le dise à quelqu'un. Vous passez simplement à côté du bonhomme et puis vous dites ça fait-tu longtemps que t'as vérifié tes pneus? Ben, ça lui en même. Non. Parce que si le bonhomme n'a rien à faire avec toi, il va te répondre oh, non, oui, puis ça va. Il vérifiera pas plus, c'est carrément oublié. S'il y a à vérifier là, il va vérifier là. Mais probablement que de toute façon, il l'aurait vu même s'il n'aurait pas dit. Mais ça t'a permis juste d'exprimer ton intuition, de t'ajuster convenablement sans te mêler de rien. Prenons un exemple comme ça, le feu prend chez le voisin. Est-ce que tu appelles les pompiers ou non? Est-ce que tu vas éteindre le feu ou non? Est-ce que tu t'en Mais la pire, la voisine ou le voisin est dans le feu. Allez-vous le sortir ou non? Ça dépend du voisin ou de la voisine. Karmiquement, tu fais quoi? Karmiquement, moi je m'en irais parce que le voisin est proche. Non, sérieusement, là, j'irai voir. C'est, je sais que c'est pas génial, mais j'aurais bien la misère à pas y aller. Je vais voir si je peux aider, si je sais qu'il y a dedans. C'est stupide de le laisser cuire comme un lien, c'est-tu bien plus loin, là, mais... Des poulets frits. Alors, qu'est-ce que tu fais pour l'aider? Disons qu'il est mal pris dans le feu, là. La porte est barrée par l'extérieur. Bon, compliquer les choses, là. Ouais. Sa femme est partie, pas de la barre. Ben, t'appelles les pompiers, premièrement. Deuxièmement, avant d'intervenir, ben, je ne ferai pas de bravoure en tant que tel pour arracher des portes et puis faire mon brave pour aller sortir celui qui est là. Oui, mais c'est extrêmement relatif, la bravoure. Oui. Bon. Alors, donc, tu irais l'aider, puis si mais tu peux rentrer dans l'incendie... Si je vois que intelligemment, là, ou en tout cas... On va le ramasser par les culottes. Il y a des chances c'est que je peux y aller. C'est son fils de 10 ans qui est pogné dans le feu. Ah, ben là, c'est pire. Fais-tu la bravoure ou pas? Je fais pas mal plus de bravoure. Oui. Ben, j'irai chercher. Quand j'étais ambulancier, on nous passait des films. Si c'est le mien qui est allé avait, chez eux. On les voyait, ils mouraient tous dans le feu, c'est ceux qui allaient chercher les autres, puis tout ça. Là. Fait que bref, ça n'était pas sorti plus. En plus, l'autre était barbecue. Non, je sais gré. Alors voilà, c'est ça qui est le gros phénomène au niveau mais du film. Mais tu vas pas rester en dehors et regarder ça brûler et entendre le petit cri. Là. Mais non, tu peux simplement ça, je te aller dis, voir ce que j'ai dit en premier, là, crier, mais... ce que je disais en premier, je m'en irais, c'est parce que je pense qu'avec l'ego que j'ai, il faudrait que je m'en aille. Sinon, tu parce que si je reste là, il faut rentrer. Bon. Maintenant, la grosse problématique, c'est qu'effectivement, lui, en rentrant là-dedans, il s'assujettirait au karma de la famille. Il irait chercher du karma blanc pour se payer le luxe d'un karma noir plus tard. Alors que moi, je rentrerais probablement aussi dans l'incendie, mais je n'irais pas chercher de karma. C'est quoi la différence? Ton ego? Parce que tu ne connais pas. Non, ton ego. C'est le même justement. Avec l'ego que j'ai, là, moi, je rentrerai. C'est ça qui est le problème. Alors, tu vas chercher, par exemple, la personne qui est à l'intérieur de... Tu appelles les pompiers. Tu commences à appeler les pompiers, disons. C'est logique. Tu appelles les pompiers. C'est tout. Tu ne te rappelles pas aux 3 minutes, ça va, ils sont partis. Là. Okay? S'ils ont des problèmes, là, c'est parce que la maison doit brûler. OK? Ça fait que tu t'en occupes pas trop. Après ça, disons qu'il y aurait quelqu'un dans l'incendie. Tu fais le tour pour voir si tu peux rentrer. Il n'y a aucune place, tu peux rentrer, va-t'en. Si t'es évolué, va-t'en. Ça ne sert à rien de rester là. C'est simple? Simple. Mais là, il y a une place que probablement que tu peux rentrer. Peux-tu être piégé? Ne sois pas astral. Si tu es suffisamment intelligent pour s'entrer chez toi, si tu as à le sortir de là, tu vas le sortir de là. Tu n'auras pas de problème. Si tu n'as pas à le sortir de là, tu ne le sortiras pas de là. Tu vas périr dedans ou tu vas le laisser là. Mais de toute façon, il va rester là. Toi, tu vas rentrer, puis lui va te sortir par la porte en arrière, puis tu vas crever. C'est des conneries comme ça qui arrivent. Bon. Alors, on doit donc simplement s'arranger pour... Je donne un exemple. À un moment donné, j'ai déjà été sur un incendie, puis on a sorti une dame. Mais elle est rentrée chercher son oiseau. Bon, puis après ça, ben là, elle a eu des gros problèmes. Ben, c'est ça. Mais comment tu fais pour sentir la différence? Parce que je sais que... Évolue. Ouais. Cesse d'être collectif. cesse d'être ramassé par des archétypes justement de héros et analyse. Très simple. La personne est en train de se noyer. Allez-vous la sauver ou pas? Si vous la sauvez, peut-être que c'était Dieu qui la rappelait. Alors, vous êtes carrément à l'impact de Dieu. Hein? C'est noir, ce que vous faites là. Vous allez sauver la vie. Toi, de là, il va te noyer, toi aussi. Il y a des gros dangers qui arrivent, en tout cas. Mais s'il fallait que vous la sauviez, Dieu voulait vous mettre à l'épreuve. C'est ça qui est le problème quand on est un être humain. Puis qu'on est assujetti à des mécaniques spirituelles. On sait jamais avant, on sait toujours après. Mais là, pendant que tu es sur la plage puis que tu penses à tout ça, l'autre devrait se noyer. C'est-tu nagé? Oui. Bon. Est-ce que tu es suffisamment nagé pour aller chercher la personne qui est en train de se noyer? Si elle n'est pas plus pesant que moi, oui. C'est ça. Et tu, bon. Après ça, etc. Analyse simplement. Fais pas d'acte de bravo. Ne soyez pas méritoire. Tu sais pas nager? Non, t'as-tu une roue de secours? Oui, ben lance-la. Ouais, mais s'il part avec, là, puis je l'envoie plus ma roue de secours. Ça, c'est pas pire. Bon, c'est à vous d'analyser. Mais où il est le phénomène, c'est qu'on ne doit jamais faire de mérite. Mais le gros problème, disons, tu sais nager, tu plonges, il y a un gars qui tombe, ça arrive jamais, ça. Là. Le monde est quand même pas des animaux à ce point-là. Il y a un gars qui tombe en bas du ponchon de quartier. Paf, pendant une fête. Bon. Alors, tout le temps en tombant, il va être plein de feux d'artifice. Dis pas ça, ça va arriver. Il arrive dans l'eau. Toi, t'es sur le tablier du pont, puis là, tu le vois tomber, alors tu plonges. Après avoir fait le cri de Tarzan, tu plonges, tu t'amasses dans l'autre aussi. Et là, tu nages, contre le courant, avec le courant, tu pousses un peu des détritus, tu nages dans l'huile, bon. Tu marches. Tu rattrapes, ou tu marches sur l'eau, là, t'as assez pollué pour ça. Tu rattrapes le personnage, tu le ramènes sur le bord de la rive, dans la vase, dans la boue. Tu le grimpes tout le long, et puis là, ben là, les policiers arrivent. Et puis, tu l'as sauvé. Est-ce qu'il y a du karma associé à ça ou pas? Ben oui. Parce que c'est à cause du cri de Tarzan. C'est vrai. Sinon, il n'y en a peut-être pas. Parfait. Alors maintenant, on veut t'offrir une médaille d'honneur du Canada pour acte de bravoure. Tu fais quoi? Tu refuses. Oui. Et c'est là que l'humain se fait ramasser. Refuse-la. On veut te mettre dans les journaux, refuse. On prend des photos, dis-leur bien que tu ne veux pas. Ils vont te mettre dedans, tu vas payer un peu de karma collectif, mais mot à dit-moi moins, parce que tu leur as bien remis sur leur dos le karma. Je ne veux pas avoir ma photo dans le journal. Là, le journaliste, il comprend pas l'idée. Normalement, si vous seriez un être humain convenable, vous seriez totalement barbouillé d'enthousiasme d'être dans le journal de Montréal, dans la presse, dans les autres, pour avoir sauvé la vie de quelqu'un. Là, tu dis, si un jour j'ai des problèmes avec ça, quel que soit le problème, c'est toi qui vas payer pour. C'est tout. Il ne comprendra vraiment rien. Mais c'est tout. Mais là, vous avez mis entre ses mains vos problèmes s'il y en a. Lui va payer votre karma collectif de vous placer là-dedans. Vous l'avez remis ça entre ses mains. C'est une façon de faire. Et on se libère du karma. Mais ça ne veut pas dire, donc, que tu n'auras pas été sauvé l'autre. Ça t'a désassujetti aussi de la collectivité, parce que t'es... Je prends un exemple assez intéressant d'un gars qui s'appelait Thomas-Édouard Lawrence. À un moment donné, il s'en va dans le désert, et puis il y a, avec des êtres humains, et puis il devait ramasser des personnes qui vivent dans le désert pour en faire une petite armée pour attaquer d'autres personnes. C'est pendant une des guerres mondiales. Alors, à un moment donné, il va ramasser des gens, il va aller voir une autre tribu, et il y aura une altercation entre les deux. Il y en a un des deux qui va tuer quelqu'un. Et puis, ben, enfin, en réalité, ce qui va arriver, c'est que bien avant, lui, il va se rendre compte que dans le désert, sur ses chameaux, il y a une des personnes, un de ses soldats, qui tombe, qui le perd. Alors, quelques heures plus tard, il se rend compte qu'il en manque un. Alors, tous les personnages du désert qui sont là lui disent, ah, c'est parce que c'était son plan de vie, il avait à mourir. Alors, Thomas-Édouard Lawrence, connu surtout sous le nom de Lawrence d'Arabie, repart en arrière, trouve la personne, elle est encore vivante, il donne de l'eau, il la ramène et il la sauve. Quelques temps après, il rencontre une autre tribu, il y a une altercation entre les deux, puis il y en a un des deux qui tue quelqu'un de la tribu. Alors, la tribu, pour s'associer avec lui, veulent tuer le gars qui a tué l'autre. Alors, lui, il dit, non, non, faites pas ça, ça va engendrer tuer. Moi, je vais le tuer, celui de ma gang qui a fait ça. Alors, on lui présente, c'est le gars qui a sauvé dans le désert. Alors, finalement, ben, il l'a tué. Mais il a risqué sa vie. Il est allé dans le désert chercher un gars qu'il a fallu qu'il tue après. C'est bien plus chiant. Au niveau du plan de vue du gars qui était bon. Il aurait été mieux de le laisser là. Ben, en tout cas, il y a bien des choses. Alors là, ce qu'on va se dire, c'est ça qu'il y a, c'est que l'humain, parce que dans la spiritualité, quand l'humain est associé à l'évolution karmique, donc collectif, il paye toujours pour. L'homme peut discerner entre le bien et le mal. C'est totalement faux. Il peut discerner après, jamais avant. Donc, il est réellement associé à une mécanique de karma. Pour que l'humain s'en détache, il doit obligatoirement fonctionner à partir de son intuition et non plus à partir d'un raisonnement, de pensée ou de quoi que ce soit. Il doit intelligencer les choses et, comme quelqu'un a dit un jour, dans le doute, abstiens-toi. Le problème de celui qui se conscientise, c'est qu'il va se dire, je doute que je devrais rentrer, alors abstiens-toi. Mais je doute que je devrais rester, alors abstiens-toi, donc rentre. T'en sors pas plus. Alors, on doit simplement faire les choses avec, toute la vie doit être menée comme ça, avec le minimum d'effort. Si, quand on écoute les nouvelles, on voit qu'il y a des affaires d'imbéciles qui se passent de ce temps-là, j'ai bien de la misère, surtout quand c'est des enfants. Karmiquement, est-ce qu'on s'associe à quelque chose quand exact. On voudrait passer par la télé? Très bien, très bien. Dernièrement, il y a un homme qui a tapoché un enfant de 8 mois, je crois. C'est ça. Bon. Entre autres. Tous ceux qui souffrent pour s'associent à son karma. Est-ce qu'on lui en enlève? Oui, tu en enlèves et tu le payes. Tu auras peut-être des ulcères d'estomac cumulés à un moment donné, mais laissons faire, disons, l'expression immédiate d'un karma. Tous ceux qui trouvent ça X, Y, Z s'associent à son karma. Ils bénéficient, ces individus-là, vous n'aimerez peut-être pas ce que je dis, mais c'est un phénomène réel. Les individus qui jouissent de ce que le gars a fait à l'enfant, parce que c'est ça qui arrive. Toi, c'est une jouissance que ton ego fait de voir cela. Ben, pas exactement, non. Eh oui. Alors, ça va te stimuler, t'énergiser, te pomper, te faire vivre, ça te réveille, ça te... Oui, voilà. Alors, tu vas t'en abreuver. Exactement comme lorsque je travaillais pour Urgence Santé, si on avait des personnes en arrêt cardio-respiratoire sur la voie publique, ben, c'était réellement la voie publique. Il y avait du public. Et il y a un accident, les gens veulent pas voir ça, ils perdent connaissance, ils dorment pas pendant un mois, ben c'est les premiers à vouloir aller voir, pour être capable de pas dormir. Ils se gavent de l'événementiel des nôtres, ils s'en gavent. Alors lorsque l'on regarde à la télévision ces choses-là, ou que pourquoi le Journal de Montréal, entre autres, a fait tant fortune, il a même planté le Montréal Matin et qu'il s'est essayé, et la presse, en termes de quantité vendue, uniquement avec ses fonds typistes, avec les premières pages, avec des choses qui n'ont pas d'allure. Quand on a eu le massacre à la Polytechnique, ben c'était en photo couleur, ben etc., puis on voyait tout. Bon. Alors, tout le monde s'en gaffe. Donc, tout le monde devient l'associé des secouristes, comme de tous ceux qui auront émotivement vécu l'affaire, donc comme celui qui a retiré tout le monde. Et je parle techniquement. Je ne dis pas, par exemple, que toi, tu es le gars à battre un enfant. Tu es le gars, par contre, à battre le gars qui bat l'enfant. C'est la même maudite chose. Le gars, l'enfant, lui, c'est son plan de vie, il est pogné là-dedans. Le gars, il est totalement manipulé, tu le sais aussi bien que moi. Donc, il se fait ramasser, il ramasse un karma collectif. Toutes les fois que tu as tenté, que tu as failli battre ton fils, à peine, bien, tous les bonhommes qui ont failli faire ça, ils ne l'ont pas fait. Alors, ça se ramasse quelque part, puis il y en a un qui se fait ramasser avec ça, puis lui, il bat, paf, ça finit là. Alors, lui, il vient de payer le karma de tout le monde. C'est un karma collectif. Le gars n'a rien à voir là-dedans. L'enfant non plus. Et après ça, tout le monde, on est tous satisfaits, bien, on bénéficie aussi de la même mécanique. Ça ne doit pas nous toucher. Oui, mais l'enfant, de 8 mois, dans son plan de vie, l'intelligence de se faire massacrer comme ça, C'est de la spiritualité. Son plan de vie est relié de la spiritualité. Dans la spiritualité, on permet le martyr. Il n'y a pas d'intelligence dans la spiritualité. Il n'y en a pas d'intelligence là-dedans. Il n'y en a pas. Donc, la question ne se pose pas. En plus, il n'a pas la souffrance que tu as, toi. Et en plus, il a même des mécanismes biologiques qui ont sécrété suffisamment d'endorphines pour le dissocier de ses blessures. Etc., etc., etc. Ce n'est pas ce que nous pensons. Nous nous projetons parce que ça nous plaît. Mais là, on s'associe à ce karma-là. Quand on dit, par exemple, ça ne devrait pas toucher, c'est exact. Tu dis, bon, je vois le voisin battre son enfant à coups de barre de métal. Ça ne me touche pas. Ça ne te touche pas, ben c'est génial, tu n'es pas associé au karma. Mais maintenant que ça ne vous touche pas, rien ne vous empêche dans l'intelligence d'intervenir d'une façon intelligente. Ouais, ça ne me touchera peut-être pas, mais j'aurais bien de la misère à rester assis sur la galerie. Parce que ça te toucherait. Ben, alors, c'est inintelligent, c'est pas juste émotif, c'est absurde de voir un adulte qui bat un enfant. Pour moi, il n'y a même pas d'émotion. Alors, je pose une autre question. Et là, on est sur un sujet qui est un terrain peut-être un peu dangereux, si les gens émotivement ne comprennent pas tout à fait ce que je veux dire. J'en ai sauvé des enfants lorsque je travaillais comme technicien médical d'urgence, j'en ai sauvé ailleurs aussi, quand j'étais au Guatemala, etc. J'ai fait me s'amuser en masse. Sauf que je n'ai pas de karma assujetti à ça. Quand j'étais jeune, j'en ai ramassé assujetti à celui-là, OK, bon, puis finalement, de moins en moins. Il devient, à un moment donné, intelligent d'intervenir, mais on n'intervient pas parce que ça nous touche. Il y a une grosse nuance. Et cette nuance-là, elle doit être développée. Je ne bats pas mon fils ou ma fille parce que j'en ai ras-le-bol. Mais à un moment donné, on fait de l'éducation parce que c'est intelligent. Donc, jamais, on finit par taper dedans à cause qu'on est motivement, on est mal pris. Tu sais, ça fait 4 fois que je te dis, là, j'en ai ras-le-bol. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour la même raison que tu vas intervenir. Parce que t'en as ras-le-bol. Juste pour être sûr que je comprends bien la différence. Si je voyais un adulte qui frappe un enfant, que j'ai intervenu. Oui. C'est pas long. On n'aura pas le temps. Oui, c'est pas long. Pour empêcher 25 enfants de se faire battre à coups de bord de métal puis d'être handicapés, serait-il plus écologique qu'un seul se fasse battre et en meure? Ben, ni un ni l'autre devrait arriver. Je sais. Mais vu que c'est le choix que l'astral, que les dieux te donnent, lequel prends-tu? Ben, moi, je prendrais que je les vois pas, les 25, puis que ça se passe en Afrique. Puis qu'il y en ait 250 ailleurs. Alors, à un moment donné, quand une personne a vu Adolf Hitler qui avait 8 ans et qui s'est dit « Cet enfant-là va devenir un super massacreur d'humains, je devrais le tuer », il s'est dit « Oui, mais tout d'un coup, on peut le réchapper ». Alors, il a tout fait pour l'éduquer, c'est une de ses tantes, elle ne l'a pas réchappé, donc elle est finalement la cause de millions de morts. Qui on devrait tuer, Adolf Hitler ou la tante? Qui a attendu. Pourtant, elle était bonne, son karma blanc. Elle a tout fait pour aider un humain. Mais si tu interviens et puis que tu transpires pas, que t'es pas choqué, mettons que tu frappes l'adulte pour qu'il arrête, puis après ça, tu l'amènes de faire soigner. Ça pas long. Je vais juste, avant, il y aura une période de questions, hein, pour lui dire ce que vous pensez. On a un adulte qui bat un enfant à côté de moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me pose la question karma ou pas karma? Je commence par arrêter le bonhomme, peut-être approcher le bonhomme, puis après ça, je me rends compte.